Chapitre 19e. Le lendemain de cette séance, Vibert, vers les 10 heures du matin, se rendit rue de Gramont. Cette fois, au lieu d'appliquer tous ses soins, n'être pas aperçu des gens de la maison, il passa devant le concierge, se fit reconnaître et gravit lentement le grand escalier. Son front était soucieux, sa pâleur extrême, toute sa personne portait en quelque sorte l'empreinte d'une douleur profonde. Il avait en 3 mois vieilli de quelques années. Mais un sentiment nouveau semblait en ce moment se peindre sur sa physionomie. Sa bouche, sérieuse ordinairement, se surprenait à sourire. Son regard était plus animé que d'habitude. Il y avait en lui quelque chose de triste, de haineux et de satisfait tout à la fois. Il paraissait toujours souffrir, mais être plus rapproché du terme de ses souffrances. Son horizon était encore nuageux mais moins indécis. Il marchait peut-être vers un abîme, mais cet abîme, il le voyait, il était conduit par une route aplanie et connue. On aurait pu le comparer au soldat qui, après avoir fait une longue guerre d'embuscade, peut enfin se battre en rase campagne et à ciel découvert. Il aperçoit une longue file d'ennemis rangée devant lui, il sait qu'il périra sous la mitraille, mais il jouira pendant un instant de l'âpre plaisir de voir son ennemi, de lui courir sus et de le frapper mortellement peut-être avant de succomber sous ses coups. Arrivé à l'étage où demeurait Julia, Vibert sonna sans hésiter. « Je voudrais être reçu par votre maîtresse, » dit-il à Marietta qui le regardait étonné. « Que monsieur entre au salon, je vais prévenir madame, elle achève de s'habiller. » Seul, dans ce salon où il n'avait pas mis les pieds depuis longtemps et qu'il n'avait fait qu'entrevoir par la porte vitrée, une sorte d'attendrissement s'empara de lui. Chaque place, chaque objet, lui rappelait un souvenir. Dans l'embrasure de cette fenêtre, un jour, elle lui avait tout à coup pris les mains en s'écriant « Vous me serez dévoué, n'est-ce pas? Vous m'aiderez à le venger. » Une autre fois, près de cette porte, oubliant encore que sous l'agent de police il y avait un homme et que de telles familiarités pouvaient être dangereuses, elle avait, dans un de ces moments de désespoir où le sentiment des convenances disparaît, appuyé sa tête sur l'épaule de Vibert et pleuré contre son cœur. Ici, elle lui avait souri. Là, elle avait remercié d'un bon conseil. Devant cette cheminée, un soir, que tout entière à ses pensées, elle ne l'avait pas entendu entrer, il avait pu surprendre un pied qui se chauffait et les gracieux contours d'une jambe admirable. Oui, c'était dans ce salon que peu à peu son amour avait grandi. Il était devenu une formidable et invincible passion. Si Julia fut rentrée en ce moment, peut-être que Vibert, encore sous l'impression de ses souvenirs, eût renoncé au dessein qu'il nourrissait depuis la veille et qui le faisait sourire amèrement. Il eût pardonné à Julia tout ce qu'elle lui avait fait longtemps souffrir en faveur des courtes joies qu'elle lui avait causées. Mais tout à coup, les regards de l'agent de police se reportèrent sur le canapé où Madame Vidal s'asseyait d'ordinaire auprès de Savary. La dernière scène à laquelle il avait assisté et qui lui avait un instant fait perdre la raison lui revint à l'esprit. Il oublia le bien pour ne plus se rappeler que le mal. Il se jura d'être implacable envers les autres, comme on avait été implacable envers lui. Madame Vidal venait d'entrer dans le salon et sans inviter Vibert à s'asseoir. « Je ne pensais plus vous revoir, » lui dit-elle. Cet accueil glacial n'étonna pas l'agent de police. Il était trop intelligent pour ne pas s'y attendre. Il comprenait que Julia devait le haïr pour avoir autrefois osé soupçonner d'un crime l'homme qu'elle aimait maintenant. Ses soupçons, elle les avait conçus en même temps que Vibert. Elle les avait partagés avec lui. Mais c'était une raison pour détester plus vivement encore le complice qu'elle désavouait aujourd'hui et dont elle rougissait. « Madame, » répondit sèchement Vibert aux premières paroles de Julia, « j'ai tout à coup cessé de vous voir parce que ma mission auprès de vous était terminée. Le hasard m'avait fait découvrir le meurtrier de votre mari, je pouvais l'arrêter et le livrer au tribunal sans l'aide de personne et votre concours, qui m'était si nécessaire et si précieux lorsqu'il s'agissait du sieur Savary, m'était devenu inutile. » Chacun de ces mots, souligné avec intention par Vibert, avait profondément blessé Julia. Elle répondit avec aigreur, « Eh bien, puisque mon concours vous est inutile, pourquoi, pourquoi » dit-il en achevant la pensée de Julia. « Ai-je la témérité de me présenter chez vous aujourd'hui? C'est bien simple et vous allez l'apprendre. Si vous voulez bien toutefois, madame, me permettre de m'asseoir un instant. » Elle ne répondit pas, mais comprenant la leçon, elle prit un siège afin que Vibert la pût imiter. « Vous avez assisté à l'audience d'hier, » dit brusquement Vibert qui se décidait à commencer la lutte. « À une partie de l'audience, » reprit Julia. « Le président m'a autorisé à me retirer chez moi après mon interrogatoire. Alors vous ignorez, madame, la conclusion de cette affaire. Je l'ignore. Et si vous êtes venue pour me l'apprendre, c'était inutile. Je saurai toujours assez tôt ce dénouement prévu d'avance. Tant qu'il s'est agi de découvrir le meurtrier de mon mari, vous m'avez trouvée brave et forte. Aujourd'hui, ce meurtrier est arrêté, il va être puni de son crime, il appartient à la justice, il ne peut plus y avoir contre lui de haine dans mon cœur. Très bien, madame, je ne vous dirai pas ce dénouement puisque vous pensez le connaître. Je vous demanderai seulement la permission de vous parler de certains incidents qui se sont produits à l'audience après votre départ. Ainsi, continua Vibert d'une voix encore plus lente, il a été parfaitement établi que votre mari n'avait jamais eu les pieds chez cette créature appelée Soleil Couchant. Ah ! Fit Julien en pâlissant. Ce premier coup que lui portait l'agent de police était terrible. Si quelques semaines plus tôt on était venu dire à Madame Vidal « Votre mari a été odieusement calomnié, il vous a toujours été fidèle et ne connaissait même pas la femme dont on l'a cru l'amant », elle aurait éprouvé une joie des plus complètes. Mais maintenant, la trahison de son mari était la seule excuse qu'elle eut vis-à-vis d'elle-même de s'être livrée à un autre amour, et cette excuse venait à lui manquer. Pendant un instant, toutes les pensées que nous avons si brièvement exprimées l'assaillirent. Le remords se glissa dans son âme, puis elle reprit un peu de calme et se tournant vers Vibert. Comment la justice a-t-elle été enfin mieux renseignée? Quel autre sentiment que la jalousie a pu porter ce Langlade à tuer mon mari? Ce n'est pas lui qui l'a tué, répondit Vibert. Ce n'est pas lui. Que dites-vous? N'avouait-il pas son crime? Oui, mais il y avait erreur de personne. Il avait tué un homme, il ignorait son nom et il croyait avoir tué votre mari. Tenez, madame, veuillez lire la Gazette des tribunaux. Vous y verrez la fin de cette curieuse audience à laquelle vous n'avez pas jugé à propos d'assister. Julien prit en tremblant le journal que lui tendait Vibert. Elle était loin de deviner où l'agent de police voulait en venir. Mais elle comprenait instinctivement que quelque chose de grave la menaçait. Après avoir lu, elle se prit à réfléchir et le journal lui échappa des mains. Vibert le ramassa, le plia avec soin, le mit dans sa poche et dit « Ainsi c'est à recommencer. » Julien leva vivement la tête. « À recommencer quoi ? » demanda-t-elle. « Mais, dit-il tranquillement, le meurtrier n'est pas découvert. Il y a cependant un meurtrier. Il faut donc recommencer nos recherches. »« C'est l'affaire de la justice, » fit-elle d'une voix brève. « Je n'ai pas à m'en mêler. »« Comme vous vous découragez vite, madame, » dit Vibert. Elle le regarda avec hauteur et se laissant dominer par ses nerfs, elle répondit. « Je vous prie, monsieur, de vouloir bien m'épargner vos observations. »« Mon Dieu, madame, » répliqua-t-il. Si je déplore le découragement qui semble s'être emparé de vous, c'est qu'il est contraire à nos intérêts. Et qu'entendez-vous par là? Sans doute, j'espérais que vous consentiriez à m'aider comme autrefois dans mes recherches. Je me suis maladroitement égaré, je le reconnais, sur une fausse piste. Mais je reviens à la première, qui est assurément la bonne. La première, fit-elle en pâlissant, car elle venait de comprendre. Oui, madame, la première. Depuis que Langlade n'est plus le coupable, je n'ai plus de raison pour ne pas, comme autrefois, soupçonner Savary. Monsieur, madame, vos soupçons ne sauraient atteindre celui dont vous parlez. Il l'atteignait bien autrefois, répliqua cruellement Vibert. En quoi, je vous prie, la situation se trouverait-elle changée? Elle l'est, s'écria-t-elle indignée. C'est un honnête homme, j'ai appris à le connaître, à l'estimer. Ne le salissez pas plus longtemps de vos soupçons. Madame, répliqua à son tour Vibert, exaspéré de l'avoir défendre Savary avec cette énergie et oubliant toute retenue. « Depuis que je suis entré dans ce salon, vous prenez plaisir à me rappeler que je ne suis pas un homme, mais un simple agent de police. Eh bien, l'agent de police ne connaît que son devoir. On lui a dit de rechercher un criminel, il le recherche, sans se préoccuper de l'intérêt qu'une femme porte à ce criminel et de l'amour qu'elle a pour lui. » Elle s'élança de son siège, étendit les bras et ne dit que ce mot « Sortez !» Aussi pâle qu'elle, aussi douloureusement meurtrie, Vibert baissa les yeux et obéit. Lorsqu'il lui atteint la porte, elle se crut débarrassée de lui et se laissant tomber sur un fauteuil, elle s'écria. « Où m'a-t-on conduite? Quel est donc ce pays où l'on vient à domicile assassiner les hommes et insulter les femmes ?» Elle était sublime d'indignation. Ses magnifiques cheveux noirs, qu'elle s'était à peine donné le temps d'enrouler pour recevoir l'agent de police, venaient de se défaire et retombaient sur ses épaules frémissantes. On voyait sa poitrine bondir sous la dentelle qui la couvrait à peine. La colère avait empourpré ses joues et coloré ses lèvres. Sa bouche ouverte, d'où s'exhalait un soupir, laissait apercevoir des dents admirables. Vibert, qui s'était arrêté pour la contempler, ne l'avait jamais trouvée aussi belle. Il ne put contenir son imagination si vivement surexcitée et toujours inassouvie. Tout à coup, il perdit la tête, s'élança vers Julia, lui prit la tête dans les mains pour l'empêcher de se défendre et colla ses lèvres sur les siennes. C'était peut-être le premier baiser qu'il donnait à une femme. Elle frémit à cet odieux contact, puis, se dérobant à cette étreinte par un mouvement rapide, elle frappa Vibert au visage et s'enfuit, éperdue.